bien, mais monsieur... Mais que vois-je? Vous êtes au genou de ma fille, je pense. Oui, madame, et je l'épouse dès aujourd'hui, si vous y consentez. Vraiment? Que de reste, monsieur, c'est bien de l'honneur à nous tous. Et il ne manquera rien à la joie où je suis, si monsieur, qui est votre ami, demeure aussi le nôtre. Je suis de si bonne composition que ce sera moi qui vous verserai à boire à table. Ma reine, puisque vous aimez tant Frontin et que je lui ressemble, j'ai bien envie de l'être. Ah, coquin, je t'entends bien, mais tu l'es trop tard. Je ne pouvons nous quitter, il y a 12 000 francs qui nous suivent. Que signifie donc cela? Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Qu'on fasse venir les violons du village et que la journée finisse par des danses. Marie jaloux, tendres amants, dormez sur la foi des serments. Qu'aucun soupçon ne vous émeuve, croyez l'objet de vos amours, car on ne gagne pas toujours à le mettre à l'épreuve. Avoir le cœur de son mari, qu'il tienne lieu d'un favori, quel bonheur d'en fournir la preuve. Blaise me donne du souci, mais en revanche, Dieu merci, je le mets à l'épreuve. Vous qui courez après l'humain, pour éloigner tout examen, prenez toujours fille pour veuve. Si l'amour trompe en ce moment, c'est du moins agréablement. Quelle charmante épreuve. Que Mathurin ait de l'humeur et calmeur le fût son cœur, qu'il vente, qu'il tonne ou qu'il pleuve, que le froid gèle notre vin, je n'en prenons pas de chagrin, je somme à toute épreuve. Vous qui tenez dans vos filets chaque jour de nouveaux objets, soit fille, soit femme, soit veuve, vous croyez prendre et l'on vous pend, gardez-vous d'un cœur qui se rend à la première épreuve. Ah, que l'humain paraît charmant quand l'époux est toujours amant. Mais jusqu'ici, la chose est neuve. Que l'on verrait peu de maris si le sort nous avait permis de les mettre à l'épreuve.